Je commence à la connaître. La moule la malhonnête. Je l'achète par la fenêtre. Je fonce dans sur vite. Drogue sous le couvercle. BH sous la couverture. Police à la sonnette. Quand si je n'ai pas d'ouverture. Dame, c'est pourquoi tant de noir fait. Si je le dis, tu ne vas pas t'en remettre. Le game, je lui nique sa mère. Mes ennemis avec. Jamais je ne m'arrête. Gordon et la canette. Bergamo tout violette. Toujours à raconter.